C'est sur le VIH-Sida que nous ouvrons cette émission, un sujet qui revient régulièrement parce que le virus sévit toujours et que la médecine est toujours en quête d'un vaccin qui pourrait protéger les populations. Alors Marie-France Sottil nous dresse un état des lieux de la maladie dans le monde et des avancées médicales. Alors bonjour Marie-France. Bonjour François. D'abord, mettons la table avec les connaissances déjà acquises sur le sujet, Marie-France. Alors, juste pour rappeler les choses qu'on devrait savoir déjà, lorsqu'une personne est contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, progressivement, ses cellules qui coordonnent le système immunitaire sont neutralisées. Au bout de quelques années, son corps ne peut plus se défendre, devient vulnérable à tous les types d'infections. C'est le stade qu'on appelle le SIDA, c'est-à-dire syndrome d'immunodéficience acquise. Mmh. Alors, on ne meurt pas du SIDA lui-même, mais des microbes opportunistes qu'on ne peut plus combattre. C'est ça, parce qu'on n'a plus de défense immunitaire. Voilà. Deuxième fait bien documenté. Le virus se transmet par certains fluides corporels, soit le sang, les sécrétions vaginales, le sperme ou le lait maternel. Pas la sueur, pas le sébum, pas la salive, mmh, pas l'urine. Effectivement, c'est bien de le savoir. Et dernier fait connu, le VIH fait partie de la famille des rétrovirus, c'est-à-dire qu'il transcrit son code génétique de l'ARN en ADN dans une cellule hôte qui est saine et par laquelle il se multiplie. Les antirétrovirus actuels, plus souvent la trithérapie, c'est-à-dire une combinaison de trois médicaments, mmh, empêchent la multiplication du virus. Ça détruit la charge virale jusqu'à la rendre même indétectable, mais le patient reste séropositif, donc porteur, mais sans atteindre le stade SIDA, donc sans être malade. Effectivement. Et parce que le virus se cache aussi dans les cellules réservoirs, c'est pour ça que le patient reste séropositif, c'est ça? Exact. Alors, cela dit, quelles sont les nouveautés dans le domaine, Marie-France? Bon, les malades du SIDA font toujours l'objet d'exclusion, de stigmatisation dans la population. La conséquence, c'est que pour éviter ce rejet social, les SIDéens se cachent ou ne déclarent pas leur maladie, ce qui entrave le dépistage, mm-hmm, le traitement, puis favorise la propagation du virus. Mm-hmm. Les préjugés sociaux se répercutent aussi sur les budgets que les gouvernements accordent à la lutte au SIDA. Donc, on recule. Une autre mauvaise nouvelle, on note l'apparition de virus résistants aux médicaments actuels. Mm-hmm. Donc, un des rétrovirus qu'on parlait tantôt, un des anti-rétrovirus. Uh-huh. Et puis, il y a, jusqu'en 2015, on comptait jusqu'à 2000 personnes qui étaient dans cette situation, donc qui ne réagissaient pas au traitement. On remarque que le phénomène progresse, puis la résistance à ces médicaments-là apparaît quand le traitement est interrompu, uh-huh, soit par négligence ou soit par le manque de médicaments, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique subsaharienne. C'est ça, ça prend vraiment un apport continuel de médicamentation. Oui, il faut suivre le traitement à la lettre. Et pas l'interrompre. Un autre nuage au tableau, le virus mute continuellement. Mm-hmm. Ça nuit à la conception d'un vaccin. En plus, pour élaborer un vaccin, on a souvent recours aux anticorps produits par le système immunitaire. Mais le VIH a justement la propriété d'endormir les défenses du corps. Devant ces obstacles, les firmes privées ont désinvesti la recherche. Il reste seulement les laboratoires publics dans la course. Et est-ce que le nombre de personnes infectées par le VIH dans le monde augmente? Ça non plus, c'est pas des bonnes nouvelles. Mmh. Alors, on compte 1,8 million de nouvelles contaminations par année sur la planète. Ça, si vous faites un petit calcul rapide, c'est à peu près 5 000 par jour. Mmh. L'Afrique du Sud et la Russie sont en tête du palmarès, avec chacun 100 000 nouveaux cas par année. Au Canada, on a quand même 3 000 nouveaux cas par année. En Europe de l'Est et en Asie centrale, les nouvelles infections au VIH ont augmenté de 60 % entre 2010 et 2016. Uh-huh. Pourquoi? Ben, dans ces pays-là, on nie l'homosexualité. Uh-huh. Ça n'existe pas. Les malades sont ostracisés, donc ils ne dévoilent pas leur maladie. Et ça se propage. Mmh. En Russie, en plus, il y a une loi qui criminalise la prostitution puis la drogue. Mmh. Donc, il est interdit d'aider les prostituées ou les droguées. Okay. Les autres aussi contribuent, malgré eux, à propager le virus. Tout à fait. En Afrique, le sida reste la première cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 19 ans. Le risque de contracter Le virus est de 80 % chez les filles. 80 % Oui, ça, c'est à cause d'un phénomène ou une pratique culturelle qu'on appelle le tutorat. C'est-à-dire que les adolescentes pauvres sont prises en charge par un homme nanti, un tuteur, en échange de faveurs sexuelles. Et puis, bien évidemment, le condom n'est pas à la mode dans ces pays-là. En bout de ligne, le sida cause 1 million de morts par année dans le monde, ce qui fait un total de 35 millions depuis 1981, soit deux fois plus que les victimes de la Première Guerre mondiale. Et sachant que la trithérapie annule pratiquement le risque de contagion, pourquoi est-ce que le VIH continue de progresser? Bien, des 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, seulement la moitié peuvent se faire soigner, donc ils ont, qui ont accès à des traitements. Même que dans certains pays, comme le Venezuela, on dispose d'aucun traitement ou test de dépistage. Incroyable, hein? Il y a encore le tiers-monde de ce côté-là. Le quart-monde, je dirais. Puis même quand le traitement est disponible, comme dans la plupart des pays industrialisés, la propagation continue parce que l'utilisation du condom décline, parce que la maladie est banalisée et parce que les jeunes ne se sentent pas concernés. C'est comme une maladie de vieux, hein? Exactement. C'est une maladie des années 80 dans leur tête. C'est ça. Par exemple, en Australie, en Europe et aux États-Unis, on estime que près de la moitié des séropositifs ne savent pas qu'ils sont contagieux. En moyenne, aux États-Unis, la contamination est diagnostiquée 3 ans après le premier contact. Alors, il est infecté, c'est ça? Oui. En France, le délai dépasse 5 ans. En somme, le virus se propage parce que les gens ne veulent pas connaître leur état de santé. Ah, incroyable, hein? Bien, au Canada, par contre, il y a une espèce de loi qui rend criminel le fait de ne pas divulguer qu'on est séropositif. Ça dit exactement, une personne vivant avec le VIH a l'obligation juridique de dévoiler sa séropositivité avant une relation sexuelle non protégée. Et même avec un condom, si la personne porteuse sait que sa charge virale n'est pas faible... Puis là, le mot « faible », ça sous-entend un certain nombre de virus par millilitre de sang. Mais est-ce qu'il est spécifié ou non, c'est différent? Il y a un flou artistique. Okay. Là. Alors, si la personne sait qu'elle est porteuse avec une certaine charge virale, elle a le devoir de prévenir son partenaire, même si elle se protège. Alors, on pourrait croire que c'est une bonne loi, mais elle engendre des effets pervers. Comme par exemple? Elle encourage les personnes à risque à ne pas se faire tester pour ne pas être accusé de contagion volontaire. Oui, tout à fait. Et malgré ce constat assez sombre, Marie-France, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Oui, puis je suis contente de vous les annoncer. Le nombre de porteurs du VIH augmente, mais le taux de mortalité des sidatiques a diminué de moitié depuis 2005. Les séropositifs traités ont désormais une espérance de vie comparable à celle du reste de la population. On se rappelle que dans les années 80, on mourait 2 ans après une contagion en moyenne. La charge virale devient indétectable avec les traitements antiviraux actuels, c'est-à-dire s'ils sont bien administrés, bien entendu. Alors, les patients soignés restent porteurs, mais ne sont plus contagieux. Vraiment, j'insiste là-dessus. La trithérapie agit de deux manières, donc pour diminuer le nombre de SIDA1, puis limiter la propagation du VIH. Dans certains pays de l'Est de l'Afrique, comme le Malawi, le Mozambique, l'Ouganda et le Zimbabwe, on a réduit jusqu'à 40 % le nombre de nouvelles infections par le VIH depuis 2010. Une autre bonne nouvelle, on a réduit la contamination avec la prophylaxie pré-exposition. La PrEP. La PrEP, hein? Oui, c'est ça. Les intimes l'appellent comme ça. Alors, c'est un comprimé qui protège jusqu'à 90 % les personnes saines exposées temporairement à un risque élevé de contagion. On peut aussi se protéger ponctuellement après une relation à risque avec la prophylaxie post-exposition, la PPE. Ça, c'est comme un peu la pilule du lendemain, ouais, si on veut. C'est ça. Le problème, bon, c'est que ces pilules-là coûtent cher. Ils provoquent des effets secondaires assez notable et on les recommande pas pour les relations sexuelles vaginales ou les personnes qui s'injectent des drogues. Mais il faut dire aussi que ni la PrEP ni la PPE n'empêchent la propagation des autres ITS comme la syphilis, par exemple. Tout à fait. Mais idéalement, Marie-France, pour éliminer complètement le sida sur la planète, est-ce que ça prendrait un vaccin? On en rêve depuis longtemps. Et puis, il paraît qu'il y a des chercheurs de l'Université Laval qui ont mis le doigt dessus. Mm-hmm. Ils ont injecté des fractions du VIH dans un autre virus. Ils l'ont caché, si on veut. Puis cet autre virus, lui, il ne cause aucun tort chez l'humain. Et le système immunitaire développe des anticorps. Mm-hmm. Donc là, on peut aller chercher les mécanismes qui font un vaccin. Mm-hmm. On prévoit que dans moins de 3 ans, le vaccin pourrait être approuvé par Santé Canada et commercialisé. Attendons de voir les résultats avant de dire que les chercheurs ont trouvé le vaccin contre le sida. Mais à part le vaccin, est-ce qu'il y a d'autres avenues pour venir à bout du VIH? On parlait dans l'actualité d'une équipe de l'Institut de recherche clinique de Montréal qui a récemment percé le mystère de la persistance du VIH, c'est-à-dire on sait maintenant pourquoi il reste présent malgré les médicaments, même si on n'est plus contagieux. Ça peut ouvrir la porte à des traitements. En parallèle, il y a des chercheurs français et américains qui ont trouvé le moyen de simuler le système immunitaire pour produire un nouvel anticorps très spécifique qui combattrait le VIH beaucoup mieux que l'anticorps naturel. Okay. Le produit a montré une efficacité de presque 100% sur des singes qui sont proches de nous, disons, génétiquement. Et puis, on promet qu'après cette année, c'est-à-dire quand le produit sera testé sur les humains, on pourrait accéder à ce médicament-là. Et puis, finalement, plusieurs équipes de recherche travaillent à mettre au point des produits qui inhibent l'attachement ou la maturation du virus dans la cellule hôte. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire qu'on a gagné la guerre. Ce n'est pas vrai, mais on a certainement gagné des batailles. Effectivement. Et la guerre se poursuit encore sur plusieurs fronts, c'est-à-dire trouver une arme contre le virus et continuer de mettre des barrières pour empêcher sa propagation. Merci beaucoup, Marie-France. Il n'y a pas de quoi. Alors, changement radical de sujet, on va maintenant parler de la longueur du jour. Vous savez sans doute que le jour le plus long est au solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin. Mais si vous pensez que c'est aussi le 21 juin que le soleil se couche le plus tard, vous avez tort. Restez à l'écoute sur CKRL au 89.1 et je vais vous expliquer pourquoi.